el país y la carretera es nuestra. Hermanos de sangre a compartir con los seres humanos. Abre tu corazón, abre tus ojos, ayúdame hoy. Thank you. Thank you. verra bientôt dans ta rue. Tout contre ta joue, tu pourras lui tendre toi aussi. Tu n'es pas loin de le voir bientôt. Tu n'es pas loin. Voir tout bientôt, tu n'es pas loin. Attention. Thank you. lot. This was so fun. Shall we take a semitone? Shall we take a semitone up? Thank you. direction. So many, so many, so many directions you go. You got to tell yourself it's meaningful to walk this sorry. sorry to you. Start somewhere, free your mind. As we follow, you gotta start somewhere. For the brother, gonna down no my layers on my dome.